Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui vous croyez seul, bien tranquille derrière votre poste ou vos écouteurs, détrompez-vous. Il y a quelqu'un juste derrière en train de tout écouter. Il s'appelle Valentin et c'est le personnage maléfique du film de Marcel Carné, écrit par Jacques Prévert, Le jour se lève. Eh oui, j'écoute aux portes. Oh, mais je n'ai pas de préjugés. Ça vous choque? D'ailleurs, c'est inouï, ce sont les gens qui ont l'air le plus franc, qui ont précisément horreur qu'on écoute aux portes. C'est donc qu'ils ont quelque chose à cacher. N'écoute pas. Si tu commences à l'écouter, tu n'auras jamais fini. Il est licencié en philosophie. Mais j'ai toujours été très intelligent. Est-ce ma faute? Maurice Bardèche et Robert Brasillach. Imitation des films américains, poncif du populisme, histoire de mauvais garçons. D'autres exemples. Émile Villermoz dans Le Temps. Tout ceci est d'une tristesse affreuse. L'auteur insiste sur les laideurs, les impuissances, l'état de l'humanité. Il se fait le symphoniste du cafard. Tout ce qui est bas, trivial, prosaïque et désenchanté excite son imagination. Monsieur Précy de l'ère nouvelle. Ce romantisme fatalitaire est un luxe de décadence, de peuple repu et jouisseur, de période de prospérité malsaine. Que messieurs les producteurs se disent, le public de 1939 veut de l'héroïsme allègre et de l'optimisme énergique. Il en a par-dessus le dos des victimes criminelles et des eaux de toilette où traînent des caillots de sang et des fausses prostituées, de l'argot à la flanc et du vice à la noix. Il veut de la santé, de la bonté, de l'énergie et du rire. François Vineuil de l'Action française. Quant au public populaire qui aime le clinquant, la grosse blague et le panache, il ne va pas voir les tragédies faubouriennes, sinistres et délavées de M. Carné. Bonjour Christophe Gauthier. Bonjour. Merci d'être là pour parler du jour se lève, parce que quand on entend les critiques qu'ils ont accueillies à l'époque, il s'est fait complètement descendre en fait ce film. Oui, oui, le film donc a été très très mal accueilli à sa sortie, à une ou deux exceptions près, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Mais le film est très mal accueilli parce qu'il se situe dans la tradition d'un cinéma considéré comme un cinéma délétère. On a entendu là ici la voix de François Vineuil, qui était en réalité Lucien Rebatté, critique de cinéma et polémiste d'extrême droite, qui a écrit à l'époque encore à l'Action française, mais qui a déjà adhéré aux thèses du fascisme. Et donc François Vineuil, dit à un moment à propos de ce film, François, donc le personnage principal du film, interprété par Jean Gabin, comme toutes les créatures de Monsieur Carné, est un déchet d'humanité d'une misérable faiblesse. Donc on voit bien que c'est un film qui est très mal accueilli, et pourtant, on va le voir, c'est un film qui, bien sûr, est resté dans l'histoire du cinéma, mais pour des raisons qui permettent peut-être justement de comprendre le regard que la critique de l'époque a porté sur ce film. Vous êtes Christophe Gauthier, professeur d'histoire du livre et des médias contemporains à l'École nationale des Chartes, professeur d'histoire du cinéma à l'école du Louvre. Vous avez écrit un ouvrage sur la passion du cinéma, cinéphile, ciné-club et salle spécialisée à Paris de 1920 à 1929 aux éditions de l'école des Chartes. Votre goût pour ce film, c'est quoi? C'est un goût pour la collaboration Carné-Prévert? C'est d'abord Carné, c'est plutôt Prévert? Alors non, je ne me rangerai pas en fait dans cette opposition, dans cette dialectique entre Carné et Prévert. Je pense que c'est un film qui a en premier lieu le mérite de rassembler, je dirais, une équipe absolument brillantissime et qui caractérise une partie de ce cinéma français de la fin des années 30. Bien sûr, Carné réalise le film sur un scénario, ne l'oublions pas, de Jacques Viau, qui est quelqu'un qui vient du surréalisme nantais, et qui donc avait certainement rencontré Breton dès la fin des années 10 à Nantes. Les dialogues sont écrits par donc Jacques Prévert, mais dans une entente d'après les souvenirs de Marcel Carné, assez moyenne, on va dire, donc avec Jacques Viau. Et puis par ailleurs, n'oublions pas le directeur de la photographie, Kurt Courant, qui est un très grand directeur de la photographie allemand, qui a éclairé juste avant La Bête humaine. Le compositeur, de la musique, Maurice Jobert, qui est un compositeur admirable, qui a fait la musique de La Talente de Jean Vigo, et que dont on aura l'occasion là d'entendre justement la manière dont il amorce des scènes dans le film. Et puis, bien sûr, Alexandre Trenet, le décorateur, qui a déjà travaillé sur un grand nombre de films de Carnet, et qui est tout à fait essentiel, bien sûr, dans, je dirais, la dramaturgie, la construction dramatique du film. Au moment où le film sort sur les écrans, est-ce que Marcel Carnet est déjà connu ? Alors oui, Carnet est déjà connu puisqu'il a réalisé un certain nombre de films depuis Jenny en 1936. Il était auparavant assistant réalisateur de Jacques Feder. Et alors, les films n'ont pas nécessairement eu un très gros succès, en particulier Drôle de drame, hein, donc jusqu'à Quai des Brumes, qui est un film qui a eu un très grand retentissement, avec une critique assez négative aussi, puisque n'oublions pas que Quai des Brumes, c'est l'histoire d'un légionnaire déserteur et que le personnage est présenté comme un personnage démoralisant et délétère, à l'image d'un certain nombre des personnages du Jour se lève. Donc Carnet est déjà quelqu'un de très connu, dont d'ailleurs dans la presse de l'époque, on remarque, je dirais, les grandes ambitions cinématographiques, puisque c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mobiliser l'intégralité des studios ici de Billancourt, pour reconstituer à la fois la place célèbre et l'immeuble de 5 étages dans lequel se réfugie le personnage de Jean Gabin, François, et que l'on saisit en quelque sorte au tout début du film, mais aussi l'usine dans laquelle François travaille, ce dont on s'apercevra à l'occasion d'un premier flashback, puisque l'une des originalités du film et qui est inscrite dès le scénario écrit par Jacques Viau, c'est que c'est un film construit en flashback. Vous en avez déjà beaucoup dit. Voici la première scène du film. Ça commence avec des cris, un coup de feu, et puis la présentation de la situation. Ça t'intéresse. Des détails. Tu vas la taire ta gueule. Tu vas la taire ta gueule. Avancez maintenant, hein. Et toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un est tombé ? Quelqu'un ? Ça paraît qu'on a tué un aveugle. Non, il s'est suicidé. Ah, pauvre type. Ah, je comprends ça quand on est aveugle. Quelqu'un est tombé. Mais pourquoi a-t-il tiré ? Et cet homme-là, le mort, qui est-ce ? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu avant. Il était dans l'escalier, c'est tout ce qu'on sait. Alors, on monte. Allons-y. Police, ouvrez. Fais-moi la paix. Police, ouvrez immédiatement. Si vous n'ouvrez pas... Non, je n'ouvrirai pas, non. Mais tranquille, vous entendez, je ne vois personne. Je ne veux plus voir personne, jamais. Ouvrez ou sinon... Non, je n'ouvrirai pas, barrez-vous, hein. Vous allez vous barrer ou je dis. Tu vas la taire ta gueule, c'est Jean Gabin sur France Culture, hein, le Jour se lève est le film dont nous parlons aujourd'hui dans le cadre de cette série d'émissions sur la collaboration entre Marcel Carnet et Jacques Prévert. Alors au début du film, nous autres spectateurs sommes dans la position de l'aveugle, car en fait c'est l'aveugle qui ouvre le film. Il ne voit rien, il ne fait qu'entendre, il entend les coups de feu et le corps qui tombe. Il va s'interroger sur ce qui s'est passé. Les badauds, eux aussi, s'interrogent en transformant l'histoire. Ils disent que c'est l'aveugle qui s'est suicidé. Et en fait, le but du film va être de nous raconter ce qui précède pour qu'on comprenne qui a été tué, qui a tué et pour quelle raison. Christophe Gauthier. Oui, tout à fait. Ce personnage de l'aveugle, d'ailleurs, introduit, je trouve, d'emblée une dimension tout à fait tragique. Hein, donc, puisque c'est quelqu'un qui ne voit pas, mais qui entend. Et donc, dont finalement, les modalités de compréhension, si je puis dire, en fait, de l'histoire, vont lui être apportées petit à petit. Personnage qui, au demeurant, réapparaît à plusieurs reprises dans le film, dans un café, un petit peu plus tard. Puis, à la toute fin du film, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, c'est un personnage qui commente, comme ça, un petit peu l'action. Comme dans une tragédie antique, lui-même aveugle. Absolument, exactement. Et d'ailleurs, c'est un personnage auquel Prévert, on le sait, tenait et qu'il réintroduira dans Le Roi et l'Oiseau. On aura, sous forme dessinée, un même personnage d'aveugle comme ça, donc assez proche au fond, hein, donc de celui du Jour se lève. Alors oui, en effet, il va s'agir de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on comprend que Gabin, dont le personnage s'appelle François, donc dans le film, vient de tirer sur un autre personnage que les amateurs du cinéma ou les amateurs, je dirais, des comédiens de l'époque reconnaissent presque immédiatement. C'est Jules Berry, comédien déjà célèbre, hein, donc à l'époque, notamment depuis son rôle dans Le Crime de Monsieur Lange, qui était un rôle déjà fort antipathique, film dont le scénario était de Jacques Prévert, mais réalisé par Jean Renoir. Et qu'on retrouvera dans Les Visiteurs du Soir, dont on parlait hier, dans le rôle du diable. Dans le rôle du diable, oui, tout à fait. D'ailleurs, le rôle ici, de Jules Berry est un rôle qui marque une sorte de gradation qui ne pourra que presque fatalement aboutir à celui du diable 3 ans plus tard, hein, en réalité, dans Les Visiteurs du Soir. Et donc ce personnage dont on découvrira un tout petit peu plus tard qu'il s'appelait Valentin, qui est un montreur de chiens, un dompteur, hein, en réalité, se trouve dans une relation conflictuelle avec donc le personnage de Gabin, avec François, pour des raisons qui, pour l'instant, sont incompréhensibles. Et c'est bien évidemment le flashback qui va permettre de comprendre justement les raisons, non seulement de ce conflit, mais de cet assassinat, et de donner d'ailleurs des raisons à cet assassinat. Un flashback qui est conçu, encore une fois, d'emblée par Viau, et que Carnet défendra jusqu'à ses souvenirs. Parce que c'est très peu courant à l'époque. C'est assez peu courant, mais ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu parfois lire, le premier flashback ni de l'histoire du cinéma français, ni de l'histoire du cinéma tout court. C'est quelque chose dont d'ailleurs Carnet en fait remarque qu'il a déjà été utilisé dans un film de 1933 aux États-Unis qui avait été distribué en France, qui s'appelait The Power and the Glory, dont le titre français était Thomas Garner, qui est une histoire de capitaine d'industrie interprétée par Spencer Tracy. Et puis, c'est aussi... ce sont des choses qu'on trouve déjà. Et puis, c'est des choses qu'on trouvait beaucoup dans le cinéma muet. Alors, je pensais en particulier à un film très méconnu, mais que Jacques Viau avait peut-être vu, qui est un film de Louis Deluc, qui s'appelle Le Silence, qui raconte de la même manière l'histoire d'un homme que l'on trouve avec un pistolet fumant, à ses pieds. Et c'est un film très court, assez méconnu de Deluc, qui date de 1920, et où on entre en quelque sorte dans l'esprit de ce personnage pour comprendre les raisons pour lesquels il se trouve avec ce pistolet et en réalité un cadavre dans son appartement. Et il y a là quelque chose d'assez proche, et dans la construction et même dans l'intrigue de départ, quand bien même évidemment les raisons et le milieu social qui a toute son importance ici sont très différents. Il est tout à fait possible que Viau ait vu ce film, puisqu'on sait qu'entre 1917, 18, 19, 20, les surréalistes, qui ne sont pas encore des surréalistes, gens autour d'Aragon, qui étaient très amis avec Deluc, Viau allait beaucoup au cinéma et allait voir justement ce type de film qui pourtant n'avait que très peu d'écho à l'époque. Donc Prévert est l'auteur des dialogues et pas du scénario, c'est ça que vous dites ? Absolument. Prévert est l'auteur des dialogues. Viau, l'autre Jacques. Oui, voilà, l'autre Jacques, il y a les deux Jacques en effet, Prévert est l'auteur des dialogues et le scénario, l'idée, revient à Jacques Viau. Et quel dialogue, on va les entendre tout au long de cette émission. Alors c'est un film très noir, on l'aura compris, même presque un peu le film, film noir américain. On pense effectivement à certaines références qu'on peut avoir en tête, même pour des films qui ont été tournés après coup. Il est marqué par le désespoir causé par la Première Guerre, parce que finalement on est dans les années 30, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais on est dans un climat social oppressant et très sombre, et par cette fatalité, employons le terme, puisque vous avez parlé de tragédie, et j'ai fait référence à Tirésias, dans lequel le personnage principal, interprété par Jean Gabin, est pris. Et finalement, le film va dérouler le fil de cette fatalité. Et le spectateur va essayer de comprendre les éléments qui composent cette tragédie. C'en est une, véritablement. Oui, c'est une fatalité qui, d'ailleurs, s'attache souvent au personnage de Gabin. Dans les années 30, pensons à son personnage dans La Bête humaine, ou même, évidemment, à celui de Quai des Brumes. On en parlera demain. Et c'est une fatalité dont il va s'agir de comprendre, en effet, les modalités de la construction. De ce point de vue-là, la construction en flashback permet de faire voler en éclats l'unité de lieu qui caractérise l'ensemble du film, puisque si l'on ne tient pas compte de la construction en flashback, en réalité, le film se passe entre un soir et un petit matin. Mais évidemment, la construction en flashback va permettre de sortir, en quelque sorte, de ce carcan qui est celui de la tragédie, avec 3 retours en arrière qui jalonne le film, le premier de ces retours en arrière fonctionnant de manière vraiment tout à fait fascinante, puisque le public n'était pas censé être au courant de la construction. Il faut savoir que c'est le producteur qui a ajouté, au début du film, un carton expliquant les modalités de la construction du film au grand... Pour qu'on explique ce que c'était qu'un flashback, c'est voilà, ça ? Voilà, la grande colère de Carné qui souhaitait surprendre son public et qui dit « Ce film vous montre, en substance, hein, le carton initial, les raisons pour lesquelles cet assassinat a eu lieu, justement. » Donc évidemment, Carné était furieux de cela puisque l'effet réservé par Carné au bout d'une douzaine de minutes du film, c'est en réalité d'abandonner le moment dans lequel on se trouve pour recommencer le film, comme si c'était un nouveau film qui commençait, dans le même décor, mais là avec un gabin dans une toute autre situation, qui sort avec son vélo et qui part travailler. Et a lieu la première rencontre, donc François va rencontrer Françoise, ils sont à l'usine, on dira pourquoi c'est important de savoir cela, de toute façon vous allez l'entendre, le vacarme est épouvantable et leur première rencontre va se faire en hurlant. C'est pour ma fête? Comment? Vous vous appelez François? Ah, t'as trouvé ça toute seule, toi! Bah, c'est pas difficile, je m'appelle Françoise, moi aussi. Sans blague, bah, c'est notre fête à tous les deux, alors! Bah oui! Alors c'est pour qui, les fleurs? Oh, c'est pas pour nous! Je venais les livrer, et puis je me suis perdue dans l'usine. À qui tu dois les livrer? Chez une cliente, Madame Le Gardier. Oh, bah, je comprends que tu t'es trompé de pavillon, c'est la femme du sous-directeur! Elle vient jamais ici, même le gardien, jamais. Viens voir, je vais te montrer où c'est. Tu vois le grand hangar là-bas? Oui. Tu vas tourner à gauche derrière. Et puis tout au bout, tu vas voir un jardin avec une belle petite maison, et ben c'est là. Ah bon? Voilà. Merci. T'es encore là? Tu vas prendre racine? T'es mignonne avec tes fleurs comme ça dans le bras. Tu ressembles à un petit arbre. C'est le métier qui t'intéresse. Un joli travail, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? Le travail, c'est la liberté. Et puis, c'est la santé. Sans blague, ici, c'est tout ce qu'il y a de simple, c'est... On boit du lait toute la journée. Tu travailles par ici? Oui. Où ça? Chez les briquets. Les briquets? Oui, les horticulteurs. C'est tes parents? Non, j'ai pas de parents. Je suis de l'assistance. Non. Ah, bah ça, c'est drôle, dis-donc, moi aussi, je suis de l'assistance. Non. Ah, c'est marrant, hein. On s'appelle pareil, et on est de la même famille, puisqu'on n'a pas de famille. Et puis, justement, aujourd'hui, c'est notre fête à tous les deux. Oh. Je te l'avais dit, c'est tout ce qu'il y a de sain, ici. Cette solidarité ouvrière qu'il y a, c'est aussi un aspect de l'époque. C'est au lendemain du Front populaire, c'est au lendemain des grandes grèves de 1936. Et, vous comprenez, c'était un reflet, un aspect de l'époque, du moment. Marcel Carné qui évoque le contexte ouvrier dans lequel ce film s'est tourné, Christophe Gauthier. Alors, quelle scène ? Parce que déjà, bon, c'est vrai qu'elle est difficile à entendre sans l'image, parce qu'on fait encore plus attention au caractère assourdissant des bruits, des machines. Il y a beaucoup de choses à commenter. Commençons par cela, peut-être. C'est un type de réalité qu'on voit peu au cinéma au moment où Carné filme. Absolument. C'est-à-dire que Carné montre des ouvriers au travail. Alors, c'est des choses qu'on voit un petit peu chez Jean Grémillon, donc qui est un de mes cinéastes préférés, qu'on voit un tout petit peu chez Renoir, en particulier dans La Bête humaine, hein, bien sûr. Mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est un groupe d'ouvriers qui sont sableurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être sableur ? Qu'est-ce qu'un sableur ? Ce sont des ouvriers qui sont membres de la Fédération de la Métallurgie et dont le travail consiste à injecter à grande pression du sable sur des pièces qui sont fraîchement usinées. Et ces pièces comportent encore un certain nombre de scories métalliques et le sable à grande pression permet d'enlever ces scories. Donc, c'est la raison pour laquelle ces ouvriers, lorsqu'on les voit dans le film, portent des combinaisons censées être étanches qui permettent de limiter l'inhalation de sable. Mais cette inhalation est inévitable parce que ce sont des tout petits grains à très grande pression. Tronner, je crois, qui raconte le décorateur. L'usine a été reconstituée entièrement en studio sur le plateau B de Billancourt. Il dit, en fait, on pouvait pas avoir recours à d'autres produits de substitution que le sable. Et donc il a fallu, même si l'usine a été reconstituée en décor, placer la caméra de manière à ce que, tout simplement, en fait, la caméra ne soit pas rongée en fait par le sable très très vite. Et ça a été très compliqué en réalité de tourner cette scène qui s'ouvre sur un grand travelling. Hein, on le voit justement tous ces ouvriers, enfin les uns à côté des autres. Après cette ouverture magnifique qui donne lieu d'entendre un tout petit peu la musique de Maurice Jaubert, donc cette musique symphonique très belle qui est plus discrète que dans La Talente, mais qui accompagne en quelque sorte ce nouveau jour qui se lève à ce moment-là dans le film, qui est un début de journée à l'usine. Une rencontre. Une rencontre entre le personnage de Françoise, interprété par Jacqueline Laurent, qui est une comédienne qui n'a pas eu une très grande carrière, et François, donc Jean Gabin. Alors, qui est un comédien qui a eu une... Qui lui a une très, très grande, grande carrière. Alors François et Françoise, avec évidemment une ironie sur la ressemblance entre les prénoms, dont on dit, c'est Carole Rouet qui le dit, que c'était probablement Prévert qui l'avait souhaité ainsi, puisque Jacqueline Laurent était son amie à l'époque. Et donc c'était une manière en fait de faire un clin d'œil, hein, en quelque sorte, peut-être pas au spectateur, parce que je pense pas qu'il le savait, mais un clin d'œil, presque une private joke finalement à l'intérieur du film. Et ces deux, François et Françoise, sont, on l'entend dans le film, dans l'extrait que vous avez donné, des enfants de l'assistance. Donc, avec cette réplique très très préversienne, on est de la même famille, puisqu'on n'a pas de famille, hein, voilà. Ce qui situe cette scène situe d'emblée, en réalité, les protagonistes principaux du film dans un environnement social extrêmement déterminé. Un ouvrier qui appartient à la Fédération de la Métallurgie, qui est l'une des plus puissantes fédérations, dirigée par Ambroise Crozat, je crois, à la fin des années 30, et qui exerce un métier extrêmement risqué, sur lequel il reviendra à plusieurs reprises, qui est du coup un métier dont on comprend qu'il est un tout petit peu plus mieux payé que d'autres. Voilà. Mais en tout cas, il parle en termes très positifs de son travail. Il parle en termes très positifs, mais avec une forme d'ironie. Hein. Le travail, c'est la santé. Mais même plus tard dans le film, il valorise son travail. Il valorise son travail contre, on aura l'occasion certainement là aussi d'en reparler, contre le véritable racisme de classe qui est à l'œuvre dans le discours de Valentin Jules Berry. Et puis, un ouvrier qui est aussi un enfant d'assistance publique, qui rencontre une enfant d'assistance publique qui est elle-même une petite main dans un grand magasin d'horticulture, un fleuriste. Ce qui donnera lieu d'ailleurs à une scène dans une serre, hein, un petit peu plus tard dans le film. Deux figures qui, très clairement, appartiennent au prolétariat. Et ça a beaucoup d'importance parce que Carnet souhaitait que Jean Gabin exerce un travail très dur. Le métier de sableur n'était pas inscrit d'emblée dans le scénario, parce que c'était censé justement montrer que cet homme, Jean Gabin, était un homme qui avait à la fois un certain nombre, je dirais en fait, de qualités que l'on attribue à la virilité ou la masculinité, en fait, telle que l'on l'envisage, hein, à ce moment-là, une masculinité prolétaire, et aussi à lui donner en fait un caractère de solidité, de résistance à toute épreuve, qui ne rend que encore plus finalement compliqué et tragique l'effondrement auquel il va finalement être confronté au regard de ce qui va petit à petit advenir, c'est-à-dire la colère dont il est saisi face au personnage de Valentin et ce qui va l'amener à l'assassinat auquel on a assisté au tout début du film. Voilà. Donc on a en fait une figure comme ça en fait de prolétaire tragique qui s'ancre très clairement dans ce moment très particulier de la fin des années 30, qui est aussi, l'après-Front populaire. Dans l'extrait que vous avez donné de Carnet, il parle de la solidarité ouvrière que l'on voit dans le film, avec notamment un personnage d'ouvrier interprété par Bernard Blier, le jeune Bernard Blier à l'époque, intervient à un moment dans cette séquence qu'on vient d'entendre et qui va intervenir un petit peu plus, beaucoup plus tard à la fin du film. Et qui intervient tentant en fait de rattraper les choses en quelque sorte alors qu'il est déjà trop tard en réalité, mais on voit bien cette solidarité ouvrière, elle n'a plus d'efficacité dans le film tel qu'il nous est montré, et ça on va s'en apercevoir à la fin. C'est aussi un film qui, rappelons-le, est tourné pendant l'hiver 1939, à un moment où il y a eu en novembre 1938 une grève générale déclenchée par la CGT à la suite de la révocation d'un certain nombre d'acquis du Front populaire et notamment par Daladier qui par voulait Daladier. Revenir sur la semaine voilà, enfin qui voulait revenir à une semaine à 48 heures et non plus absolument 40. Voilà et par Paul Reynaud qui était son ministre de l'économie. Cette grande grève générale du 30 novembre 1938, ça a été un échec considérable. On a des milliers de licenciements, on a en fait des gens qui sont traduits devant les tribunaux, etc. Et le film porte la trace de cet échec et finalement de cette le tragique n'est pas seulement le tragique individuel là, mais il vient heurter le tragique collectif finalement auquel Carnet et Prévert nous confrontent là ici dans le film. Le tragique est réel et très présent dans le film, dans chacun des extraits que nous allons entendre aujourd'hui, sauf celui-ci, c'est le seul extrait où il n'est pas question de tragédie ou pas de manière explicite, et il est surtout beaucoup question d'amour. François et Françoise se sont revus quelques semaines plus tard, le voici chez elle, et ils ont un dialogue dont Prévert a le secret, un dialogue amoureux qui laisse entendre qu'il y a une sorte d'utopie familiale qui se cache derrière leur réalité sociale. À quoi vous pensez quand vous m'embrassez ? Comment à quoi je pense ? À quoi je pense ? Tu le sais bien, alors pourquoi tu me le demandes ? Écoutez, François, il n'y a pas assez longtemps qu'on se connaît. Comment il n'y a pas assez longtemps ? Ça fait 3 semaines. 3 semaines, ça fait 21 jours. 21 jours, ça fait presque un mois. Bah, un mois, c'est long, tu sais. Surtout que ça me plaît bien. Alors quoi, il faudrait qu'on se marie, qu'on loue un autocar et puis qu'on invite les copains. Se marier. Parce que vous pouvez être bête des fois. Se marier. Quoi, on aurait des gosses. On aurait des flopés de gosses. Puis on les mettra à l'assistance. Oh. Mais non, on va utiliser ça pour rigoler. Non mais semble que tu me plais bien, tu sais. Moi je me marierais bien avec toi. Oh, mes fers. C'est drôle d'être ici tous les deux. Pendant que les autres dorment. Oui. Direct, tout le monde est mort. Dis donc. Dans le fond, ça serait bien si tout le monde était mort. Partout. Puis qu'il y ait nous deux vivants. Oui, ça serait bien. Hein? Peut-être. On dit que les gens qui s'aiment sont plus vivants que les autres. Vous croyez que c'est vrai ? C'est rien. Vous ne devriez pas fumer puisque ça vous fait tousser. C'est pas le tabac. C'est le sable. Là, c'est fini. Il est joli, mon petit col, hein ? Il est chaud. Je vais le mettre sur ma robe. Attendez-moi 2 minutes, je vous appellerai. Dis donc, mais tu sais que t'as pas beaucoup de savoir-vivre, hein ? On se fait pas laisser les invités dans la cuisine. Le charme de Jean Gabin et la magie du cinéma à la radio quand même, Christophe Gauthier, parce que là on entend des choses que l'on n'entend pas en regardant le film puisqu'on est accaparé par l'image. Le fait qu'il tousse, où elle lui dit « bah non, tu dois arrêter de fumer », il dit « non, c'est le sable ». Vous avez expliqué ce que c'était qu'un sableur, donc on sait pourquoi. Là encore, référence à sa condition ouvrière. Mais surtout, ce dialogue, on entend une forme de douceur dans l'échange, une douceur qu'on attribue peu à Gabin. Surtout dans son oui, oui, c'est une douceur, en effet, qui, à plusieurs reprises, d'ailleurs, je trouve, nous permet d'apprécier l'extraordinaire palette, en réalité, hein, qui est celle de Gabin, mais que l'on va retrouver chez d'autres comédiens du film, hein, ou comédiennes. Je pense notamment à Arletty, qui donne elle-même une palette inédite, finalement. Ah oui, qu'on retrouvera plus tard, oui. Et dans le cas de Gabin, alors cette douceur, on avait pu déjà la voir à l'œuvre peu de temps auparavant, par exemple, hein, dans les séquences de La Grande Illusion, où il a ce dialogue aussi amoureux, malgré l'impossibilité de se comprendre en raison de la différence de langue avec Lotte et donc avec la jeune femme qui donc l'héberge au moment de son de sa fuite en Allemagne, hein, en réalité, lorsqu'il fuit le camp de prisonniers, avec un ton comme ça extrêmement doux. Ici, cette douceur, elle est évidemment celle du dialogue amoureux, comme vous l'avez dit. Les amoureux sont seuls au monde, d'ailleurs, en fait, on l'entend. Hein, donc, il dit, ce serait bien si tout le monde était mort, voilà, il n'y aurait plus que nous deux. Oui, absolument. Elle est aussi une douceur dont on voit bien qu'elle est la conséquence des conditions de travail, justement, de Jean Gabin. Et on voit à quel point il s'est lui-même voilé sa voix. Hein, donc, il a une voix qui est presque éteinte, hein, donc à un moment, et dont on retrouve, je dirais justement, la quasi-extinction, si je puis dire, lorsque elle sort de la pièce dans laquelle a lieu la première partie du dialogue, et lui est tout seul dans cette pièce où il y a des linges étendus partout, comme dans une sorte de buanderie, etc. Et il s'adresse à elle alors qu'elle est dans la chambre, et donc avec une séparation d'ailleurs, donc entre la chambre justement et la cuisine. Gabin ne rêvant que d'une chose, c'est de pouvoir évidemment entrer dans la chambre, ce qui est une expression cinématographique du désir qu'il éprouve pour Françoise justement à ce moment-là. Et donc cette douceur, cette ce voile en quelque sorte sur sa voix, c'est à la fois celui évidemment de la tendresse, mais c'est aussi quelque chose qui vient nous rappeler justement un déterminisme social qui est au fond celui du personnage de Gabin dans son métier de sableur. Hein, c'est-à-dire voilà. C'est-à-dire le fait que on le sait, hein, les sableurs avaient des maladies assez proche de la silicose. Et donc, au fond, le personnage de Gabin, François, il est condamné, en réalité. Il est condamné à... Ah, vous voulez dire qu'on entend sa condamnation dans sa voix. Alors, on n'entend peut-être pas sa condamnation dans sa voix, mais on nous rappelle oui. Sa condition sociale, on nous rappelle la dureté de son métier et la manière dont, finalement, ce métier ne se laisse pas oublier, en quelque sorte. Malgré l'utopie familiale qui est à l'œuvre ici, qui est une utopie que l'on pourrait presque qualifier de petite bourgeoise, hein, donc le mariage, les nombreux enfants, etc., qui n'est pas du tout l'utopie Front Populaire, hein, pour le coup, enfin, ou qui pourrait s'inscrire dans une utopie Front Populaire, mais quelque chose donc qui n'est pas l'utopie, par exemple, de, je dirais, l'organisation collective, plutôt entre hommes d'ailleurs, comme celle qu'on avait dans La Belle Équipe de Julien Duvivier, hein, voilà, qui est une utopie Front Populaire, ou celle de la coopérative du crime de Monsieur Lange. Hein, voilà, c'est là quelque chose qui replie l'utopie sur une dimension familiale, comme si, en effet, le discours politique, l'utopie politique, ne pouvait avoir sa place dans ce film, ce qui est une manière d'évacuer aussi l'utopie politique. Et il est beau de voir le contraste entre le chuchotement de cet extrait, cette scène d'amour, et le hurlement de leur rencontre lorsqu'il était absolument, à l'usine. Absolument. Alors, après cette deuxième scène du premier flashback qu'on vient d'entendre, le film continue, on retrouve Jean Gabin, François dans sa chambre, les policiers essayent de le faire sortir de sa chambre, ils lui tirent dessus. On a, selon les versions du film, parce qu'en fait il y a plusieurs versions aujourd'hui disponibles, une scène très intéressante où le chef de la police vient engueuler les policiers parce qu'ils ont tiré sur Jean Gabin devant la foule en disant « mais c'était un assassin, vous en faites un héros ». En lui tirant dessus. On voit bien ici que cette... Alors, je ne sais pas si ça a été retiré pour des raisons politiques. Oui, tout à fait. Le film a eu un certain nombre de soucis avec la censure. Alors, à plusieurs reprises, 3 mois après sa sortie, la guerre éclate et le régime de contrôle du cinéma change, puisqu'on crée un commissariat général à l'information qui est dirigé par Jean Giraudoux, donc en août 1939, et qui revoit les modalités de censure. Et donc, le film est, à ce moment-là, donc coupé, notamment, tout ce qui peut laisser penser que les policiers dissimulent en réalité les modalités de la répression, donc est coupé. De même que un plan très bref sur Arletty qui sort de la douche nue, qui est pourtant un plan que l'on trouve dans le matériel d'exploitation publicitaire de l'époque, qui est coupé aussi à ce moment-là. Et ces plans ne seront pas rétablis dans la version du film qui ressort après la guerre, en 1946. Je crois que c'est 46, j'ai un doute sur la date. Mmh. En revanche, ils ont été rétablis dans la toute dernière restauration du film, la plus récente, donc en 2018. Donc hein. les admirateurs d'Arletty et des policiers seront donc comblés par le rétablissement de ces deux scènes. Une fois que on monte Jean Gabin en prise avec ses policiers qui n'arrivent pas à pénétrer dans sa chambre, eh bien, a lieu un deuxième flashback. Et cette fois-ci, un autre personnage va arriver. On va se rendre compte qu'en fait, cette Françoise dont il est tombé amoureux, on l'avait vu dès le premier flashback, est-ce un couple? Il ne sait pas trop, mais il est jaloux d'un personnage qui s'appelle Valentin. Il va aller les surprendre. C'est l'extrait qu'on a entendu en début d'émission. En fait, Valentin écoute aux portes, etc. Celui-ci, Jean Gabin, a rencontré quelqu'un d'autre en même temps. Il s'agit du personnage d'Arletty. Une espèce de chassé-croisé entre ces quatre personnages. Et puis finalement, François dit à Valentin, bon, allons, réglons nos affaires entre hommes. Et ils descendent au café. Et là, Valentin lui dit, mais en fait, moi, je suis jaloux de Françoise, mais parce que je suis son père. C'est ça que tu ne sais pas. C'est que moi, c'est en tant que père, je suis très inquiet pour le sort de ma fille. Et bien, sans suivre une... Alors déjà, ce retournement est assez très inattendu. Et s'ensuit une discussion, elle aussi, assez surréaliste, parce que François n'est pas du tout prêt à se faire dicter sa vie par ce soi-disant père de Françoise, lui qui a grandi sans parents. Je ne veux pas savoir ce que j'ai cherché. Et quand je l'ai vu... Oh. Tout à fait le portrait de sa mère. c'est un monde. Oui. C'est pas bien un grand monde. On part chacun de son côté. La terre tourne. Et on se retrouve. Oh. Pensez bien qu'il était de mon devoir d'intervenir. Ton devoir. Ton devoir. Qu'est-ce que je demande? Je demande une chose, c'est le bonheur de cette petite. C'est un sentiment tout naturel. Eh bien, franchement, je ne pense pas qu'elle puisse être heureuse avec vous. Ah, t'es formidable. Je te jure, il n'y a pas d'autre mot, t'es formidable. Le père, le père. Ah, il est gratiné, le père. Il met sa fille au garde-meuble et puis 15 ans après, 20 ans plus tard, il revient comme ça en douce sur la pointe des pieds. Les larmes plein les yeux, pour faire quoi, je vous le demande? De la morale. De la morale. Oh, je te jure, il y a de quoi se marier. Écoute, moi je vais te dire une chose. Moi aussi je suis de l'assistance. Hein. Mais tu peux être tranquille que si mon père et ma mère revenaient pour m'apprendre le piano, je te jure que je leur dirais deux mots. Puis maintenant il y a autre chose, tout ça, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Moi je l'aime, François, t'entends? Je l'aime. Qu'est-ce que tu peux y faire? Vous l'aimez? Oui. Et elle? Qu'est-ce que ça te regarde? Oh, ben, mon cher, réfléchissez tout neuf. J'ai le droit de savoir exactement ce qui s'est passé entre elle et vous. Vous entendez, j'ai le droit. Le droit. Le droit, tu me fatigues. T'entends, tu me fatigues. Oh, écoutez-moi, qu'est-ce que vous espérez faire? Dites-moi, voyons, réfléchissez un peu. C'est tout neuf, hein? Vous n'espérez pas. Hein, Françoise? Quoi? Françoise, je suis responsable, moi. Vous réfléchissez, mais vous n'avez pas de situation, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de santé. Il faut l'avouer, n'est-ce pas? Vous faites un métier malsain. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Oh, t'as de la veine d'être père, enfin. Maintenant, écoute-moi. Tu vas te lever, puis tu vas partir. Tu vas partir tranquillement. Te débiner. T'as compris? Alors le moins qu'on puisse dire, c'est quand le personnage qui se présente comme le père arrive et parle, il est absolument détestable. Pour Jean Gabin comme pour nous d'ailleurs. Hein, oui, donc c'est un personnage totalement antipathique, hein, qu'on a déjà vu hein, donc, dans le film, qui est donc ce dompteur de chiens qui fait un numéro avec Arletty dans un café-concert dans lequel Jean Gabin se rend précédemment hein, dans le film, et qui donc souhaite parler avec François, de sa relation avec Françoise, sous prétexte qu'il serait le père. Alors, je pense que c'est intéressant de voir aussi, au fond, quel sort Jacques Prévert réserve à ses pères, qui sont des pères si prégnants dans le cinéma français de l'époque, comme l'ont bien montré Geneviève Cellier et Noël Birch dans leur Drôle de guerre des sexes du cinéma français, qui est un livre très marquant sur l'histoire donc de la période et qui introduit une forme justement de d'histoire du genre comme ça hein, donc dans le cinéma français. Les pères sont souvent, pensons par exemple au père interprété par Michel Simon dans Quai des brumes, dont on parlera demain, sont souvent des pères oppresseurs, castrateurs, s'opposant à toute forme de libération pour leurs enfants, et alors particulièrement lorsqu'il s'agit en fait des filles, s'opposant à toute forme d'émancipation, hein, et s'efforçant par tous les moyens, y compris les plus répréhensibles, de maintenir un contrôle absolu hein, sur le développement de leurs enfants. Et donc, au fond, ce père tel qu'il se présente ici, se présente exactement sous ce profil-là. C'est-à-dire un père qui s'oppose totalement à l'émancipation de sa fille. Au nom de quoi? Au nom, justement, de la condition sociale dans laquelle le personnage de François se trouve. Un homme qui, nous l'avons entendu, n'aurait pas de situation et n'aurait pas de santé. Et en effet, on a vu que la santé était l'une des difficultés, ce qui veut dire d'ailleurs que le personnage de Valentin, c'est assez exactement en quoi consiste hein, ce métier de sableur, qui n'était pas quelque chose finalement de si rare hein, donc, à l'époque. Et surtout, la condition ouvrière apparaît aux yeux en fait de ce personnage comme justement n'étant pas une condition. Et là transparaît quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le film, dont on a perçu d'ailleurs, je dirais, les échos dans la toute première séquence que nous avons entendue, d'un mépris de classe, voire d'un racisme de classe hein, donc de la part de Jules Berry. Donc dans... le personnage de Valentin qui se présente comme l'intellectuel et a une licence de philosophie. Voilà, hein, oui, tout à fait, qui a une licence de philosophie. C'est pour ça, dit-il, qu'il a toujours été intelligent. C'est pas de sa faute. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, on a vraiment en fait un personnage tout à fait à la fois sombre, négatif, manipulateur, manipulation d'ailleurs que l'on retrouvera dans le personnage du diable dans Les Visiteurs du Soir. Et alors là, il faut quand même le dire, Christophe Gautier, puisqu'on s'arrête sur ce personnage, manipulateur encore plus que ce que l'on croit, puisque l'on apprend juste après qu'il ment du début à la fin. Il n'a jamais été le père de Françoise, il a été son amant. Absolument. Ce qui est absolument glaçant quand on découvre ça. En effet, il n'est pas le père, c'est François qui va l'apprendre. Donc on est manipulé en même temps que François. En fait. On est manipulé par ce personnage, on est manipulé par ce qu'il prétend. Et c'est là, il y a là une habileté, enfin très grande. Hein, donc, alors là, à la fois scénaristique et du dialogue, puisque pour le coup, on a à la fois toutes ces caractéristiques négatives qui s'attachent à cette figure du père et qui sont très très mises en valeur ici. Alors que justement, ces caractères et qui sont particulièrement mises en valeur quand même, il faut le dire, par Jacques Prévert. Hein, mm-hmm. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette sorte d'opposition aussi à ces figures d'autorité qui est intrinsèque au fond. À l'écriture de Jacques Prévert, on la retrouve véritablement la capacité à manipuler les autres, qui est la caractéristique du personnage de Valentin. Et évidemment, cette opposition-là, cette forme de manipulation, elle touche même le spectateur, puisque en effet, on apprend qu'il n'est pas le père, ce qui est à l'origine d'ailleurs d'un regain de colère chez le personnage de François, puisqu'il découvre lui-même qu'il a été doublement manipulé. C'est-à-dire que cette sorte de responsabilité, de sens de la responsabilité auquel fait appel Valentin, n'était qu'une manière de lui extorquer des informations, qu'il d'ailleurs a refusé de lui donner. Remarquons que Gabin François se met en colère au moment... Non pas où il lui parle, au fond, de Françoise et de sa relation avec Françoise, il refuse de lui donner des informations, mais il se met en colère au moment où il lui dit « tu es ouvrier, donc tu n'as pas de situation ». Et la susceptibilité de François à l'égard de la manière dont on parle de son métier est là aussi tout à fait symptomatique du sentiment d'humiliation, en réalité, qu'il perçoit lorsque on le renvoie à une forme donc de précarité et finalement à la dimension prolétaire en réalité de sa condition. Il faut qu'on avance dans le film, il nous reste peu de temps, Christophe Gautier. Il se serait dommage de se priver des deux scènes qui nous attendent. La prochaine, alors quand même, il faut rendre justice à Arletty, on en a à peine parlé, elle joue un rôle vraiment attachant dans ce film, c'est cette personne qui s'appelle Clara, qui elle est amoureuse de François, elle l'aime bien, elle l'aime beaucoup, et François lui est amoureux de Françoise, on l'a compris, mais bon, il ne va pas se priver non plus du corps et de l'amour de Clara. À la fin du deuxième flashback, il a avoué son amour à Françoise, et réciproquement, et donc il va voir Clara pour lui dire qu'il la quitte. S'ensuit une scène bouleversante et très émouvante par la réaction de Clara, qui donc, je le répète, est amoureuse de François et qui accueille cette nouvelle avec une sagesse qui ferait pâlir tous les philosophes. Il n'y a rien à dire, François, rien à expliquer. J'ai compris tout de suite quand je t'ai vu arriver. Tu venais comme pour une mort, c'est ces messieurs de la famille. Oh, je t'assure, Clara, t'as tort de me conduire comme ça, j'ai pas envie de rigoler. Et moi, tout de même, c'est pas une tragédie. Heureusement qu'on ne s'aime pas. Tu vois ça, si on s'aimait puis qu'on se quitte, ce serait affreux. Tu m'en veux? Pourquoi? J'ai été heureuse avec toi, très. Alors j'aurais bien voulu que ça continue. Seulement moi, j'habitais ici, puis toi, t'habitais en face. On était trop loin. Écoute, là, tu sais, j'ai pas voulu te faire de peine. Puis tout de même, je voudrais que tu gardes un bon souvenir de moi. Parce que moi, je t'oublierai pas, sans blague. Ah, moi, si je pouvais t'oublier, je t'oublierais tout de suite, je te le garantis. Un souvenir. Tes souvenirs. Est-ce que j'ai une gueule à faire l'amour avec tes souvenirs? Tiens, je vais t'en donner un souvenir. Un cadeau. Que tu penses à moi. Tiens. Donc, t'as eu ça? C'est Valentin qui me l'a donné. Ça te choque? Il en donne une à chaque femme qui couche avec lui. Elle en a une aussi, la petite. Hein? Alors, sans le savoir, ici, Clara, donc Arletty, révèle à François ce qu'il ne voulait pas savoir, à savoir que Françoise accouchait avec Valentin. Des souvenirs, est-ce que j'ai une gueule à faire l'amour avec des souvenirs? Voilà le type de dialogue typiquement préversien, je sais pas quel est l'adjectif. Et surtout, la caractéristique de ce personnage joué par Arletty, qui au fond dit, c'est pas une tragédie, c'est une forme de « va, je ne te hais point ». Elle est amoureuse, elle est tout dans l'euphémisme. C'est exactement ça, c'est exactement de ça dont je voulais parler. C'était la manière dont finalement Prévert se joue des tragédies et des codes de la tragédie. C'est quand elle lui dit, au fond, ça aurait été tellement grave si on s'était aimé alors qu'elle l'aime effectivement. C'est vraiment le « va, je ne te hais point » du Cid. Et là, il y a quelque chose de très grand, je trouve quand même, en fait, dans ce dialogue, qui non seulement se permet de jouer avec une forme d'intertextualité qui répond au dialogue célébrissime d'Henri Janson dans Hôtel du Nord, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère, où là, donc Prévert répond en quelque sorte avec « j'ai pas une gueule à faire l'amour avec les souvenirs », mais en même temps, en y introduisant, je dirais, une autre référence plus discrète, qui est celle justement de la grande tragédie classique, en réalité, dans cet environnement faubourien, et qui là, quand même, je trouve, est portée totalement par ce personnage d'Arletty, qui justement est construit aux antipodes du personnage d'Hôtel du Nord. C'est-à-dire, en fait, un personnage qui est tout en retenue, dont on conserve, évidemment, la gouaille et l'accent, mais qui, au fond, joue ce dépit amoureux qui, à mon sens, l'amène, en réalité, à, elle aussi, tenter une forme de manipulation, en réalité, de François, en le mettant en face de ce qu'il ne veut pas voir, comme vous l'avez dit, et en le contraignant à reconnaître que la jeune femme qu'il aime n'est pas en quelque sorte la pure jeune fille dont il pensait en fait avoir été amoureux, mais quelqu'un qui a tout simplement eu déjà des amants dans sa vie. Ce qui en soi n'est pas une tragédie. Ce qui n'est pas une tragédie, mais ce que je pense la masculinité traditionnelle de François a du mal à accepter. Et précisons que cette scène est filmée dans le cadre de la fenêtre, ce qui annonce la scène finale. Absolument. À laquelle il faut que nous arrivions, Christophe Absolument. Gauthier. On retrouve Jean Gabin, François, dans sa chambre. Il fait les 100 pas, il a fumé des cigarettes toute la nuit jusqu'au moment où il n'avait plus de feu et ne pouvant plus allumer la cigarette suivante avec la cigarette qu'il est en train de fumer. Eh bien, il la retrouve par terre. Ses cigarettes sont terminées et il est sans issue. Il regarde par la fenêtre, il voit la foule amassée en bas de son immeuble. Et là, il ouvre la fenêtre et il leur parle directement. Et ce qu'il dit, alors là, pour le coup, on renoue avec la tragédie, avec comme le cœur antique qui serait la foule à ses pieds, cette espèce de cri de désespoir, et ce qu'il y a de plus tragique et de plus bouleversant. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? Il va se foutre par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis pas une bête curieuse, moi! Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin! Je suis un assassin! Mais oui, je suis un assassin! Mais les assassins, ça court les rues! Il y en a partout! Partout, tout le monde tue! Tout le monde tue un petit peu seulement! On tue en douceur, alors ça se voit pas! C'est comme la sable, c'est en dedans! Là, en dedans! Alors foutez le camp! Foutez le camp, allez-vous-en! Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal! Ça sera imprimé, tout sera imprimé, tout! Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez, parce que dans les journaux, on raconte tout, hein? Ils sont bien renseignés, les journaux! Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid! Allez, dépilez! Oh, les clés! Est-ce que je suis tout seul? Gardez-moi celle-là maintenant! François! François! Oh, je suis fatigué, laissez-moi! François! François! Et j'ai plus confiance! C'est fini! Fini, vous entendez? François, t'obstine pas! Ça sert à rien! Il y a des gens qui ont tué les gens, ils en sont pas morts! Descends, on verra après! Eh, dites donc les gars, il y a une place à prendre! Une bonne petite place, un bon petit boulot! Avec des heures supplémentaires! Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur! Hein? François, tu devrais sortir! Ça sera en vrai! Quoi, François? Quel François? Il y en a plus de François, je connais pas! Je connais pas, il y en a plus de François nulle part! Nulle part, alors laissez-moi! Foutez-moi la paix, allez-vous-en! Foutez-moi la paix! François, on te connaît! T'es un bon gars! Ne t'obstine pas! On parlera pour toi! Allez, descends! Ça sert à rien! Descends! fenêtres. Débrayez. J'en connais des gens qui ont tué, ils n'en sont pas morts. Voilà le type de phrase que les amis de François avec lesquels il travaille essayent de lui dire pour le raisonner, mais lui-même n'existe plus, dit François, n'est plus là, prenez mon poste d'ouvrier, je disparais. Oui, François est sourd aux interpellations qui le désignent par son nom. Alors, il faut voir comment est-ce que cette séquence est tournée. C'est-à-dire qu'en fait, on a en réalité un plan en contre-plongée grâce à une grue qui permet de voir François à sa fenêtre du cinquième étage, qui interpelle la foule. Et toujours avec la même grue, voire avec un dispositif qui était fixé en haut du décor, un plan qui permet de prendre la place sur laquelle s'est amassée la foule, parmi lesquels les collègues, les ouvriers, les amis de François et Françoise d'ailleurs, qui tentent en fait de lui dire « Rends-toi, c'est terminé, etc. » En plongée, cette vue en plongée, évoquant à tout amateur de cinéma ce qu'était Marcel Carné, qui était un très grand connaisseur du cinéma muet, bien évidemment, en fait, les plans de la répression de la grève dans la mer de Poudovkine. Et ce à quoi on assiste immédiatement après cette séquence, c'est les gendarmes mobiles qui débarquent d'un camion. On entend dans l'extrait ici le policier qui dit « Allez, déblayez !» Et c'est en fait une répression d'une manifestation ouvrière que nous montre cette séquence-là, dans un contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est celui justement de la fin du Front populaire. Hein. Donc le film porte à ce moment-là deux choses. D'une part, la manière dont François entend être en quelque sorte, il n'entend rien lui justement François, la manière dont on nous montre un tribunal populaire qui en réalité acquitte François de ses fautes et lui dit « t'es un brave gars, nous en réalité on te pardonne et on t'acquitte ». Ce tribunal populaire qui est composé justement de la foule en bas et de ses camarades est un tribunal qui l'acquitte. Mais lui ne veut pas entendre le jugement, le verdict de ce tribunal et l'ordre, les forces de l'ordre non plus. Et le film porte autre chose à ce moment-là, c'est le deuil justement de cette solidarité ouvrière, de cet espoir finalement du Front populaire. C'est, je crois, dans l'intrication entre la tragédie intime de François et cette tragédie collective qui se joue ici, que le film prend toute sa puissance à la fin justement, du jour se lève. On laissera la parole à la musique de Jobert pour nous quitter, Christophe Gautier, avec cette phrase que je rappelle une dernière fois, ce qu'on a entendu Jean Gabin prononcer. Mais oui, je suis un assassin, mais tout le monde est un assassin. Tout le monde tue un tout petit peu, mais seulement en douceur, alors ça se voit pas. Merci beaucoup Christophe Gautier d'être venu nous parler de ce film aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs aux ouvrages que vous avez écrits, notamment sur Passion Cinéma, qu'on mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Les chemins de la philosophie sur France Culture, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Commençons notre série sur les sept péchés capitaux, avec sans doute celui qui est jugé le plus terrible de tous, l'orgueil. Why are you so arrogant? Girl, what make a man wanna curse and swear? Blaming on heaven 'cause he already there. Nous écoutons Arrogance de Prince. L'arrogance, la prétention, la fierté, la vanité, la suffisance, autant de termes qui servent de synonyme à l'orgueil. L'orgueil qui, selon le philosophe grec Théophraste, peut se résumer ainsi. Une passion qui fait que de tout ce qui est au monde, l'on estime que soi. Dans l'Antiquité grecque, la grande figure de l'orgueil est sans conteste Icare, fils de Dédale, qui se fait fabriquer des ailes composées de plumes et de cire, semblables à celles d'un oiseau, pour fuir le labyrinthe dans lequel il est enfermé. Son père le prévient. Il ne doit pas trop s'approcher ni de la mer, ni du soleil. Mais, grisé par son nouveau pouvoir, Icare prend de l'altitude et ses ailes finissent par fondre au contact de la chaleur du soleil. Icare meurt précipité dans la mer. C'est à Peter Bruegel, l'ancien, peintre du XVIe siècle, que l'on doit une des représentations les plus cruelles de la chute d'Icare. À première vue, c'est un joli paysage. Au premier plan, un paysan laboure son champ. Derrière lui, un berger regarde le ciel en s'appuyant sur son bâton. À droite, en bas, un pêcheur de dos tend son fil. Ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on aperçoit deux jambes qui sortent de l'eau. C'est Icare qui se noie, dans l'indifférence générale. Avec l'arrivée du christianisme, l'orgueil devient le péché le plus grave qui soit. C'est ce qu'expliquait en 1991 l'historien Robert Fossier. L'orgueil, dont on sait qu'en principe il est le plus grave des péchés, puisque c'est celui dont s'est rendu coupable l'archange Lucifer, et que, voulant égaler Dieu, il a naturellement commis le crime le moins pardonnable, l'orgueil est considéré pendant longtemps comme le péché principal, parce que c'est celui auquel succombe ou risque de succomber les classes dominantes de la société, c'est-à-dire l'aristocratie guerrière, pendant la période qu'on qualifie de féodale, faute de l'appeler autrement. La gravité du péché d'orgueil est là. Lucifer, l'ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu, c'est Satan, le diable, le mal incarné. Pour les théologiens médiévaux, c'est donc le péché général qui résume en lui toutes les fautes. Dans l'histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge, Carla Casagrande et Silvana Vecchio expliquent que l'orgueil se décline de nombreuses manières, quelque part entre la vaine gloire et la superbe. Thomas d'Aquin conçoit ce péché de manière plus globale et conseille d'y remédier par la magnanimité et l'humilité. C'est chez Grégoire le Grand que s'opère le glissement de l'orgueil à la vanité, péché auquel succombent particulièrement les gens de culture, selon Abélard, mais aussi les femmes, qui ont le culte de l'apparence, si l'on s'en réfère aux prédications de l'époque. L'orgueil, la vanité, viennent avec la volonté incompressible de séduction et de puissance, au-delà de ce qui est possible ou admis. En littérature, on retient le chef-d'œuvre Frankenstein de Mary Shelley, où Victor Frankenstein, coupable d'un orgueil démesuré, veut imiter Dieu en donnant la vie et finit par accoucher d'un monstre. On retient aussi un autre chef-d'œuvre, Orgueil et préjugés de Jane Austen, pas seulement parce que le péché est dans le titre, mais parce que l'orgueil en amour y est représenté avec un génie jamais égalé depuis. Ça n'est pas toujours celui qui pense être le plus orgueilleux qui l'est vraiment. Pour ce qui est du cinéma, il faut évidemment regarder Citizen Kane d'Orson Welles qui raconte la vie du sulfureux Charles Foster Kane par les impressions qu'il a laissées aux gens. I'm going to marry him next week at the White House. Emily, I hear you've been stepping out with Charlie Kane. Of course I love him. I gave him $60 million. Well, of course I love him. He's the richest man in America. But all the girls say about him at first. But you know, I can't help but admire him. He's crazy. He's wonderful. Je vais l'épouser la semaine prochaine à la Maison Blanche. Émilie, j'ai cru comprendre que tu sortais avec Charlie Kane. Bien sûr que je l'aime, je lui ai donné $16 million. Bien sûr que je l'aime, c'est l'homme le plus riche d'Amérique. C'est ce que toutes les femmes disent de lui au début. Mais tu sais quoi, je ne peux pas m'empêcher de l'admirer. Il est fou, il est merveilleux. Orson Welles dira lui-même de son personnage, Kane est à la fois un idéaliste et un escroc, un très grand homme et un individu médiocre. L'orgueilleux a ses mystères et ses ambivalences. Il a surtout été promu, à force, comme une figure redoutable de la modernité. Il faut être orgueilleux et fier, entend-on un peu partout. Quel étrange retournement. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Marie Simon qui m'a aidé à préparer cette émission avec Sharon Houry, Colomba Grossi, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine pour vous, Pierre Montagne qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le cinéma de Marcel Carnet en collaboration avec Jacques Prévert. Demain, ce sera Le Quai des Brumes, sorti en 1938, et ce sera Philippe Morisson qui viendra vous en parler.